Mes chers amis, bonjour. Laurence se ha quedado un poquitín más con nosotros y sonriendo siempre. Es muy amable, Laurence. Había que verla en la pantalla, pero en la radio es imposible. Laurence nos va a hablar de turismo rural. Le turisme rural, vous pratiquez, vous Oui, exactement. C'est une formule de vacances que j'aime beaucoup. Oui, le tourisme rural. Et en France, le tourisme rural existe depuis assez longtemps, n'est-ce pas? Oui, cette formule de tourisme existe depuis une trentaine d'années et connaît un succès grandissant en France, effectivement. Il y a 30 ans. Oui, depuis une trentaine d'années. Et comment commence le tourisme rural? Comment est-ce que ça a commencé? Alors au départ, ce sont les fermiers qui se sont lancés dans cette activité supplémentaire par rapport à leurs travaux agricoles. Et de ce fait, donc fermier déjà, c'est un terme un peu générique. Il faut préciser que les fermiers, c'était à la fois des agriculteurs, donc des cultivateurs. Ça pouvait être aussi des éleveurs de toutes sortes, de bétail, d'oies dans le Périgord par exemple, ou de moutons, etc. Ferme, c'est la casa de l'agriculteur. Exactement. Ou ça pouvait être aussi un viticulteur. Un viticulteur, si. Voilà, donc ces fermiers se sont lancés dans ce tourisme rural et de ce fait-là, au départ, on parlait d'agritourisme. Oui. C'est un terme très peu employé. Enfin, aujourd'hui, on parle plutôt de tourisme rural. Si. En Espagne, on ne se dit nunca. Nunca se ha dicho agriturismo, no se ha dicho nunca, ¿verdad? Je ne crois pas, mais en Italie, pour avoir pratiqué aussi cette formule en Italie, on parle de agriturismo. Ah oui. Donc le mot est passé et nous avons gardé tourisme rural. Et en Espagne aussi, on dit tourisme rural. Très bien. Donc les agriculteurs sont devenus hôteliers. En quelque sorte, oui, un petit peu. Et on peut dire que, sans doute que la formule en a séduit d'autres, puisque au départ, le tourisme rural donc venait des agriculteurs. Et puis, petit à petit, ce sont des ruraux, pas forcément agriculteurs, qui se sont mis, effectivement, à proposer ces formules d'hébergement qui concernent le tourisme rural. Muy bien. Et entonces, los agricultores de antes, ¿qué interés tenían en hacerse hosteleros rurales, digamos? Alors, je pense que l'intérêt prioritaire pour eux, c'était de pouvoir obtenir des revenus supplémentaires à leur activité agricole. Pour les femmes surtout, je pense. Et notamment pour les femmes, effectivement. Mais je pense qu'il y a d'autres intérêts à trouver aussi dans le tourisme rural du point de vue des agriculteurs. Ça leur permettait de préserver leur patrimoine en termes de patrimoine bâti. C'est-à-dire les fermes, les corps de fermes, des bâtiments anciens. Les édifices ruraux qui sont alrededor de la casa donde vive l'agriculteur. Exactement, ça leur permettait peut-être de les sauver de la ruine en les restaurant et puis en rentabilisant cette restauration par la location d'hébergement dans ces lieux. Si, claro, porque hay que explicar que l'agriculture a cambié un poco de cara. Un certain nombre d'agriculteurs qui faisaient de l'agriculture et de l'élevage en même temps ont été obligés de se spécialiser soit dans l'agriculture, soit dans l'élevage. Donc, à partir de ce moment-là, un certain nombre de bâtiments n'étaient plus utilisés par les agriculteurs. Entonces, pues, muy bien, una forma de rentabilizar el patrimonio, también une manière de s'ouvrir aussi. Exactement, et je crois que c'est un élément qu'on ne peut pas négliger non plus, parce que ça permettait, et ça permet toujours à ces agriculteurs ou à ces ruraux, eh bien de rencontrer des gens venant d'autres horizons, qui peut-être n'ont aucune habitude de fréquenter le milieu rural, et ça, c'est vraiment un endroit où on peut partager des expériences, des points de vue, et je crois que tout le monde y trouve son intérêt. Voilà, c'est très agréable, effectivement. Et comment devient-on disons, comment est-ce qu'on devient propriétaire d'un gîte rural, par exemple? Comment est-ce qu'on monte un gîte rural? Je peux dire que ça ne s'improvise pas. C'est-à-dire qu'il faut remplir des critères très précis. Des normes, il faut correspondre à des normes. Que esas normas las da el Ministerio de Agricultura. Exactement, voilà. Donc, Vigilan la calidad de las casas. exactement. Et selon les formules aussi, la plupart des personnes qui ont des hébergements à proposer dans le cadre du tourisme rural se rassemblent ou proposent leur offre à des organismes, disons publics ou semi-publics, dont le principal en France s'appelle les Gîtes de Gîtes France. de France. Voilà. Gîtes de France es la firma más segura de esas casas rurales, ¿verdad? Gîtes de France, como albergues de Francia, ¿verdad? Gîtes de France, Voilà. con la cette circonflejo. Donc, ces Gîtes de France vous proposent une offre de maisons, Voilà, alors on peut dire que l'éventail est très large. Donc en principe, l'hébergement proposé est un bâtiment ancien. Donc pour les amateurs de vieilles pierres ou de poutres apparentes, effectivement, c'est très agréable. Parfois, il peut s'agir de logements un peu plus récents, mais toujours en milieu rural. Ça, c'est la La règle. contrainte première. Et puis ensuite, Gîtes de France, si vous souhaitez adhérer en tant qu'agriculteur ou rural à Gîtes de France, vous devez les contacter et ils viennent contrôler votre hébergement. Ils regardent la qualité de la literie, ils testent le matelas, ils regardent combien il y a de WC, de douches, de baignoires, etc. Et en fonction des prestations que vous proposez, en fonction du confort de votre gîte, ils vous attribueront de 1 à 5 épis. Ah, las espigas, las famosas espigas, ¿verdad? Que son como las estrellas de los hoteles. Voilà, Voilà. exactement. Alors, le mieux, c'est 5 Ah oui, 5 épis, bon, c'est épis. sûr, 5 c'est le luxe épis, déjà. Donc, c'est c'est grand luxe. un très, très beau gîte avec piscine en général. Mais je veux dire, l'intérêt du tourisme rural, c'est qu'il y en a pour tous les goûts et pour toutes les Et bourses. toutes les bourses. Ouais, c'est très, très ouvert. C'est très, la propuesta es muy amplia, ¿verdad? Tú, Laurence, ¿has estado en alguna casa rural en España? En France. Sí, en En France, oui. France, oui. En Hein. España, no. Non, non, non, parce que justement, je suis, comme tu l'as expliqué, Daniel, très amatrice de ce genre d'hébergement, et je m'étais renseignée justement pour passer des vacances en Espagne avec ma famille, en profitant du tourisme rural, et je me suis rendue compte des différences qu'il existe entre la France et l'Espagne à Absolument. ce niveau-là. Et je me suis rendue compte précisément que en France, comme je viens de l'expliquer, il existe un éventail très large de gîtes, justement, pour tous les goûts, pour toutes les bourses, alors qu'en Espagne, le tourisme rural concerne quand même de l'hébergement de haute qualité et souvent cher. Voilà, c'est un hébergement haut de gamme, hein, comme Exactement. disent los economistas, un hébergement haut de gamme. Sí, es cierto. Las casas rurales en España son más recientes y entonces ya de hacer las han hecho muy bien. Porque en Francia fue aprovechar una situación, mientras que en España se ha hecho ya de entrada muy bien. C'est vrai. La oferta en España es muy buena. Los muebles son muy buenos, las casas son muy bonitas. C'est vrai. Oui, et souvent on propose des services supplémentaires, comme par exemple le petit déjeuner, ce Oui. qui n'est pas forcément le cas Cas? pour le tourisme Oui, voilà, rural non. en France, Non, hein. en général, non, peut souvent pas. Non, non. C'est simplement la maison. On vous offre la maison, on vous propose la maison, on vous loue la maison. Mais en fait, il faut peut-être préciser qu'en France, il existe donc des gîtes ruraux qui proposent juste l'hébergement, mais il y a également des tables d'hôtes qui proposent parfois l'hébergement et le couvert aussi, avec des produits du terroir. Et puis, vous avez également la possibilité de pratiquer le camping à la À la ferme, carte. qui entre aussi dans cette Dans cette catégorie du catégorie. tourisme rural. Dejan un terreno y plantas la tienda y ya está. Et puis, on peut profiter, des sanitaires de la ferme, des Anda. produits de la Pues ferme sí, aussi. es otra versión. Muy bien, pues vamos a parar un momentín. Vamos a escuchar una canción De Stacy Kent, de voilà, la même que l'autre jour. exactement, qui va nous proposer encore une chanson charmante en français. En français. La vamos a escuchar y ahora nos encontramos. Hasta luego. Les soirs où je suis argentin, je m'offre quelques argentines, quitte à cueillir dans les vitrines. Des jolis quartiers d'Amsterdam, des lianes qui auraient ce teint de femme qu'exportent vos cités latines.

Bueno, Laurence, nos has hablado de la casa rural, de los agricultores que reciben a los viajeros, y entonces ahora nos vas a hablar du profil du vacancier. ¿Quelles sont ces personnes qui aiment le tourisme rural, qui pratiquent le tourisme rural? Comment sont-elles? Alors, en premier lieu, on peut peut-être rappeler que souvent, donc, le tourisme rural est le fait de gens qui vont profiter d'un week-end ou d'un pont pour pratiquer ce genre de tourisme. Et pour souvent, c'est un tourisme familial. Hein, les gens y vont en famille. Moi, j'ai découvert le tourisme rural à partir du moment où j'ai eu des enfants parce que je trouvais que c'était une formule très Bien pratique. sûr. Et c'est une formule très intéressante aussi quand on veut se retrouver en famille ou entre amis, Ah, voilà, si. et qu'on veut disposer d'un endroit agréable avec une capacité d'accueil importante. On peut se retrouver facilement à 8, 10, 15 personnes selon les Bueno, cosa gîtes. que no es posible en una casa particular, C'est claro. souvent difficile, voilà. Et donc, ça permet des réunions de famille, soit pour les fêtes de fin d'année, soit pour fêter un anniversaire, Voilà. ou tout simplement pour passer quelques jours de vacances ensemble. Voilà, ensemble. Muy bien. Entonces, sobre todo familias con niños, porque los niños disfrutan, ¿verdad? Les enfants sont tellement heureux, D'ailleurs, ça les souvent, il y a des choses qui accompagne. sont prévues pour eux, il y a des balançoires, des toboggans, et même pour les petits-enfants, de nombreux gîtes proposent du matériel de puériculture, des lits bébés, des chaises hôtes. Voilà, donc Voilà. ça évite, aux Oui. parents de charger les Bien voitures sûr, avec tout avec ce tout le matériel. matériel infantil, on a tous connu ça. Et la verdad es que lo bonito de esos sitios es la tranquilidad. ¿Qué más busca la gente allí dans les rues? Alors, je pense qu'il y a des gens qui, effectivement, viennent pour être au vert, pour se mettre au vert, comme on dit. Ils viennent pour découvrir de nouveaux endroits, des sites naturels. Certains, peut-être, citadins, viennent retrouver des racines, viennent retrouver leurs racines. Et je crois que beaucoup viennent aussi pour la convivialité que suppose le tourisme rural. C'est-à-dire qu'on est toujours accueilli par le propriétaire. Et le propriétaire, c'est quelqu'un du cru, hein. C'est C'est quelqu'un qui... une personne de local, si. Exactement, qui habite à proximité, qui en général a toujours vécu là, qui connaît très bien les traditions locales, qui sait nous parler à la fois de ce qu'il y a à voir et aussi de ce qu'il y a à manger et à boire dans le coin. Et si, claro, los mejores guías, ¿verdad? Tout Son à fait. la gente del lugar. Pues muy bien. Entonces, es una experiencia muy positiva, ¿verdad? Exactement, moi je n'ai jamais été déçue. Voilà. Et j'ai été dans de nombreux gîtes partout en France, du nord au sud, et à chaque fois l'accueil était vraiment très très sympathique. Et pour vous donner un petit exemple, souvent quand vous arrivez, les gens ont préparé sur la table un pot de confiture maison, des petits gâteaux typiques du lieu, une bouteille de Bueno, vin une bouteille aussi, de cidre, une une bouteille de cidre, amabilidad. ouais. Oui, sí, c'est très convivial. Entonces vamos a animar a nuestros oyentes que practiquen el turismo rural, ¿verdad? Pero que lo practiquen en Francia, que tiene una gama muy amplia de posibilidades y vayan descubriendo Francia con las casas rurales. Pues entonces, bon voyage y bonnes vacances. Et à la prochaine Exactement. fois. À Au revoir. bientôt. Au revoir.